Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus Montpellier et sur Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du... Microbe. Non, du comics. Alors, vous l'entendez peut-être pas, mais on est en équipe très très réduite puisque Mathieu n'est pas là. Et je suis juste avec Faye. Et peut-être que vous l'entendez dans le son de ma voix suave, mais je suis très malade. Donc, bonjour quand même. Oui, bonjour. Bonjour Faye. Et puis, Faye. Bon courage, James. Ouais. Donc, je suis très malade, donc ça va pas être une émission très... Et moi, ça commence. Toi, ça commence ? Ok. Donc, ça va être une émission très dans le boost et dans l'énergie. Oui, mais l'important, c'est qu'on est là, on affronte le on mal. On a affronté Chemos Gohan comme diraient certains, et on va continuer et on va vous parler de Suicide Squad, puisque je ne sais pas si vous avez vu, mais l'extend version est sortie, enfin le Blu-ray est sorti tout simplement en fait. Oui, le Blu-ray. Ouais. Donc on va vous parler de ça, comme d'habitude on va faire les petites news, les sorties de la semaine, Suicide Squad. Ah oui. On vit de rester quand même dans le comics, on va vous parler d'un titre comics. Pour faire la suite à Suicide Squad, on va pas vous parler de Suicide Squad puisque c'est sorti depuis un moment. On va vous parler d'un titre qui parle s'appelle d'un... Sur les traces de Deadshot. Sur les traces de Deadshot, voilà qui je parle. Je t'aide parce que je vois que t'es en train de décéder. Je galère en même temps. Et après, on va vous parler de nos petits coups de cœur, nos petites attentes. Et je pense qu'on va vous parler ça de va être Westworld. Un gros coup de cœur pour Westworld. On va se lâcher, on va parler de Westworld pendant 3 heures. Mais sans spoiler. Sans spoiler, exactement. Et voilà, c'est à peu près tout. Mais on va commencer sur les news. Ouais. Est-ce que tu es prête? Toujours. Et bah c'est parti pour le super générique des news. Je l'aime ce générique. C'est celui du cœur à ses raisons ? Non, c'est pas celui, c'est pas le même. C'est pas grave. Non, petite embrouille locale. Enfin bon. Donc moi là, j'ai une grosse news, ça va être la grosse news de la journée. C'est le relaunch de Rebirth qui va arriver enfin en France, donc en mai. Donc pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est Rebirth, c'est l'univers de DC qui relaunch. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer vite fait ce qu'est un relaunch, la différence avec un reboot et la différence avec les autres termes possibles et imaginables? Alors, je vais essayer de vous éclairer car moi-même, lorsque j'ai on vu ce terme barbare, je me suis dit, mais quelle était la différence? Je me suis dit, mais Kezako. Alors, déjà, reboot. Reboot, c'est on recommence de zéro. Du début, de zéro. Un relaunch, c'est après un événement, on relance, c'est-à-dire on repart au numéro zéro, mais on garde les événements qui se sont passés avant. On relance. On garde juste la même continuité. Voilà, en fait, quand il y a eu un event, on relance au numéro zéro et c'est pour faire venir nouveaux lecteurs, tout à fait, James. Avec un nouveau statu quo voilà. Et une nouvelle. Voilà, donc ça permet d'avoir une nouvelle porte d'entrée, mais tout ce qui a été fait avant n'est pas oublié. Voilà. Et parce que c'est ce qui va arriver sur DC Comics qui le petit détail en plus de ce relaunch, c'est qu'ils ont pris l'univers de Watchmen et ils ont pris l'univers de DC et les ont imbriqués en deux. Donc vous le verrez quand vous lirez Rebirth en mai. Donc en fait ils ont mélangé les deux univers. Et est-ce que ça fonctionne, c'est ça la question? Moi je dis que de la VF malheureusement pour moi. Et j'ai lu juste le premier tome en VO. Enfin, pas le premier tome, le premier. Il y a un titre spécial qui expliquait tout l'event autour de Rebirth. J'ai lu ça et je sais plus par qui c'est. Je l'ai noté, je crois, par Jeff Jones. Donc c'est pas Jeff Jones. C'est quand même. Je crois que c'était que Bert au dessin, donc c'était très très beau. Donc ça, c'était super cool. Tout le délire autour de. En fait, pour pas spoiler. Non, je sais pas si c'est du spoil ou pas. Enfin bon, c'est en fait tout le délire autour de Rebirth, c'est un certain personnage dont je tairai le nom pour pas spoiler, qui veut revenir, qui était plus dans l'univers de New 52, donc dans l'univers DC actuel, et qui était dans le vieux univers avant New 52, et qui veut revenir, et en fait ça enclenche des trucs. C'est un rapport avec un autre event, c'était Flashpoint. Ouais, c'est un rapport avec Flashpoint. Ok. Donc voilà, ça fait un beau écho à Flashpoint, qui était l'event qui a lancé les New 52, et donc c'est une espèce de rebirth, c'est une renaissance du coup pour ce nouveau relaunch. Et il va débarquer en mai 2017, puisque je l'ai. Je sais plus. Donc il va débarquer chez Urban en mai 2017, du coup, moi, Urban je vont. J'essaye un peu de continuer. Du coup, tu m'as dit, Urban vont en profiter pour réorganiser leurs kiosques. Ouais, donc ils vont réorganiser, pas que les kiosques, même la librairie. On va commencer par la librairie. Donc en mai 2017, vous allez avoir un gros. gros tome qui va contenir 592 pages, qui va s'appeler DC Universe Rebirth et qui contiendra le truc dont je vous ai parlé, le one shot de Geoff Johns qui s'appelait DC Universe Rebirth, le numéro 1, ainsi que une bonne partie de tous les numéros 1 de tous les numéros, genre de Batman, Nightwing, Wonder Woman, Justice League. C'est plutôt une bonne idée, et, ça permet de se. Et donc ça va faire un lien entre toutes les histoires et tout, et vous verrez dans ce tome, si vous le lisez en librairie, toutes les histoires qui se passent dans Rebirth. Et puis en même temps, je te coupe, mais c'est pas mal parce que par exemple, quand j'avais voulu suivre New 52, j'avais essayé de lire un peu tout pour me faire une idée, et il y avait quand même genre plus de la moitié des titres qui étaient quand même pas top. Non. Du coup, si, quand même. Quand même, je suis désolée. Là, du coup, d'avoir un tome avec un peu tout, ça permet après de voir ce qu'on va prendre. Tu peux voir ce que tu vas prendre, ce que tu vas pas prendre. Et donc, après, en juin et juillet, vous allez avoir Batman Rebirth de Tom King et David Finch, qui est pas mal, ce qui paraît. Wonder Woman Rebirth de Greg Rucka et Nicolas Scott. Je pense que c'est le truc à pas louper et à lire absolument parce que Greg Rucka, c'est vraiment. Un super scénariste. Donc Justice League Rebirth de Brian Hitch. Juste pour ceux qui connaîtraient pas, ce serait peut-être bien de dire qui a fait Greg Rucka, c'est la personne derrière Gotham Central. Donc excellent titre d'ailleurs qu'on avait chroniqué dans un Comics Discovery, il me semble. Donc on l'a chroniqué en vidéo si vous voulez voir la chaîne de la Mika du Geek. Exactement. C'est pub spécial. Exact. donc vous allez voir Suicide Squad Rebirth de Rob Williams et de Jim Lee, donc franchement Jim Lee. Ah bah Jim Lee, ça va être intéressant. Un des meilleurs dessinateurs de tous les temps. La petite perle que je pense il faudra absolument lire aussi, c'est Superman Rebirth. Même si j'aime pas trop Superman, j'adore l'équipe créative derrière, et c'est l'équipe créative derrière Batman et Robin, Peter Tomasi et Patrick Gleason, qui sont très bons. Pas très fan moi de Batman et Robin. Non, moi j'aimais beaucoup. Donc voilà. Moi j'adore cette équipe créative. Et après vous aurez Batman Detective Comics de James Tynion IV et Eddie Burroughs. Donc ça c'est les premiers titres que vous retrouverez en juin et en juillet. Et après en novembre, en même temps que les tomes 2 de Batman, de Wonder Man, tout ça, vous retrouverez Nightwing Rebirth, Flash Rebirth, Green Arrow Rebirth, All-Star Batman, le nouveau titre de Scott Snyder, où vous retrouverez John Romita Jr. dessus. Il y a du Sean Murphy, il y a du John Romita. C'est un tome franchement à lire. Attends, juste John Romita Jr. Je sais pas si vous voyez Kick-Ass, c'est lui qui a fait les dessins Kick-Ass, c'est pas génial. Voilà, le reste de l'équipe de dessinateurs est bon. Le deuxième titre à surtout pas louper, c'est Trinity. Trinity qui va s'occuper de la Trinité de chez DC. La Trinité chez DC, c'est Superman, Batman, Wonder Woman. Et ça va être par mon dessinateur préféré, Francis Manapul. Voilà. Donc ce sera le titre à ne pas louper. Et en même temps, vous aurez Batman Night of the Monster Men. Donc ce sera le premier crossover. Donc vous allez retrouver tous ces titres en librairie. Donc ça va être du TBB, du relié, avec des gros titres avec 5 ou 6 numéros dedans. Et en même temps, ils refont complètement leur gamme de magazines. Et en magazine, vous allez retrouver Batman Rebirth. Donc ça va être comme vous avez en ce moment avec Batman, je crois que c'est Batman Saga qui s'appelle. Où vous retrouverez le titre Batman, Detective Comics, Nightwing, All-Star Batman. Et c'est tout, je crois. Tous les mois pour, je sais plus combien, 5,90, je crois, un truc comme ça. Après, vous aurez Justice League Rebirth, où vous retrouverez Justice League, Action Comics, Flash Rebirth, Hal Jordan and the Green Lantern. Bon, les trucs habituels. Et les deux derniers magazines, c'est le Suicide Squad. Donc, il n'y aura plus de magazine Superman. C'est quand même étonnant qu'ils sortent un magazine Suicide Squad, étant donné... les mauvais résultats, les problèmes qu'il y a autour. Il n'y a pas tant de mauvais résultats que ça, finalement. Le film a marché et ça au niveau critique, rentré dans les esprits. Et retour public, ils mettent en avant Suicide Squad avec Suicide Squad, Harley Quinn Rebirth, Deathstroke et les séries Suicide Squad Most Wanted. Donc ils mettent en avant ce truc. Moi, je pense que je prendrai les trois trucs. Et c'est quand même étonnant par rapport à l'info qu'on a eue que justement une suite au cinéma semble être compromis. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, mais je trouve que c'est bizarre. Le cinéma et les comics, ce n'est pas la même chose. Oui, mais je trouve ça bizarre. Et le dernier magazine, ce sera Récit complet DC. Et tous les mois, vous retrouverez un récit complet, enfin un arc complet d'un de de DC. Mm-hmm. Et ça va commencer avec le one shot dont je vous parlais tout à l'heure de Geoff Johns, mais ils continueront avec du Teen Titan, avec du truc. Donc ça va être super cool. Et ça sera toujours ce Rebirth ou ça sera des récits un peu plus. Non, ce sera que Rebirth. Ce sera des récits Rebirth des autres séries qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas. Je pense que. Donc, ils vont tout là, couvrir. Là, c'est de la spéculation, hein, mais je pense que ce sera beaucoup de trucs qu'on n'a pas en. En TPB. En librairie, en TPB, donc en relié. Donc, comme on n'a pas encore eu Teen Titan, même en UFC et tout, donc là, on pourra lire du Teen Titan, on pourra lire plein de trucs. Ce sera cool. Je pense que c'est une très très bonne idée de lancer un magazine comme ça. Ok, James, merci. Et on passe à une autre news. Et c'est une news un peu triste, puisque 2016 a encore frappé. Et dimanche dernier, c'est un des plus grands noms du 9e art et de la culture geek qui nous a quitté. C'est Marcel Gottlieb, créateur de Gailuron et de Super Dupont, mais aussi créateur de Fluide Glacial ou encore de L'Écho des Savanes, qui est mort à l'âge de 82 ans. Et c'est une news un peu. Enfin, pas qu'un peu, c'est une news très très triste. C'est un mec qui a marqué l'histoire. Non, tu n'étais pas d'accord. Non, mais moi je ne connaissais pas. Tu ne connaissais pas. Bon. Je suis désolée. C'est un mec qui a marqué la pop culture française avec des super, super BD et c'était quelqu'un de très drôle. Et c'est triste de devoir cette année 2016 qui prend de plus en plus de personnes cool. Ouais. Non, ça te. D'accord, oui. C'est pas grave. C'est triste pour sa famille quoi. Oui, c'est triste pour. Oui, vraiment, RIP. Passons à une news un peu plus... RIP. RIP. Exactement. Et voilà, comme tu parles, c'est toi qui vas nous parler du trailer de Gardiens de la Galaxie, le deuxième trailer. Non, le premier c'était un teaser très court-esprit, et là maintenant c'était le premier trailer. Remettons les choses dans leur contexte. Vas-y, parle-nous-en. Ouh, c'était mignon, il y avait un petit bébé Groot. Oh, je retiens que ça. Non. Tu retiens que ça de tout le trailer, non, en fait. Non, mais écoutez, moi, ça me donne très, très envie. On retrouve l'ambiance du premier film, c'est drôle. Il y a l'air d'avoir de bonnes scènes d'action. Il y a bébé Groot. Ouais, moi, c'est du tout bon. Ça m'a bien hypé, ça m'a mis la bonne humeur, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit des choses, mais on n'en voit pas trop. Exactement, ouais, c'est vrai qu'il manque pas grand chose. Moi aussi j'étais hypé en même temps. Enfin, comment ne pas être hypé par Gardiens de la Galaxie? Ça va être mon film préféré de tous les temps. Bah, c'est un des meilleurs. Moi, c'est un des Marvel préférés au niveau cinéma. Moi, c'est mon film préféré, avec le premier Avengers. Ouais. Voilà. Donc, encore une fois, on ira le voir 150 fois au cinéma. Oui, c'est pas vrai. Ouais. Non, mais en plus, ce qui est bien, c'est que pour une fois, on a un trailer vraiment qui te montre pas tout le film comme les autres trailers Marvel ou l'abondance de trailers. Et c'est l'impression, le teaser et le trailer, j'ai l'impression que c'était les mêmes vannes. Qu'il a gardé le même. En fait, non, le teaser qu'on avait, c'était une courte scène où t'avais notre ami là. Le catcheur, ça, j'ai perdu son nom de son personnage. Drax. Qui faisait une blagounette entre la relation Star-Lord Machine. Et là, en fait, on retrouve la même blague à la fin, enfin, une autre blague dans le même style, à la fin du trailer, mais entre temps, on a eu du Baby Groot. Oui, mais il y avait du Baby Groot aussi dans le premier teaser. Ouais, vite fait, mais là, on le voit dans toute sa splendeur et tout. Puis il y a Chris Pratt. Mais par contre, je ne suis pas contente. Je n'ai pas vu Kurt Russell. Ah, mais on le verra donc, à la fin. C'est le gros point noir de ce trailer. Mais on le verra dans le film, ce sera je mieux. Je m'en fous, je veux une photo de Kurt Russell. D'accord, on verra du Kurt Russell. On va passer aux sorties de la semaine. Et moi, je vais vous rappeler les sorties de la semaine. Je pense que la première sortie, c'est un truc qui te hypera peut-être un peu. C'est Judge Dredd, tome 1. Donc, voilà, je suis encore traumatisé par le film. Le juge le plus Stallone possible et imaginable. Ouais. Donc, c'est la nouvelle série du juge. Mais n'oublie pas qu'il expéditif. A été aussi fait par Carl Urban dans remake qui s'appelle Dredd. Effectivement. Donc, c'est la nouvelle série qui est sortie chez IDW qui va débarquer chez un petit éditeur. Qui s'appelle Réflexion Comics, donc qui va débarquer en France. Donc je vous fais un petit pitch, attention. Alors, au 22e siècle, le crime sévit à Mega City One, qui abrite plus de 400 millions de citoyens, de robots et de criminels et de fous. Le dernier rempart entre l'ordre et le chaos sont les juges. Le juge Dredd est le plus coriace d'entre eux. La nouvelle série, c'est ce qu'on rajoute dire, avec un plein d'action et plein de trucs, donc voilà. Attends, mais ton résumé, on dirait Ken le survivant. En fait, je l'avais pas lu. Le mec, il découvre. Ouais, j'avais pris le pitch comme ça, je me suis dit, je le lirais. Mais j'avais lu quelques petits titres. Ouais, quelques petits titres, justement, pour me documenter. Et c'est vrai que c'est très. C'est pas nana. cauchemaresque, mais bon, c'est assez violent. Oui, bah oui, c'est c'est enfin, c'est sympathique si on aime ce genre-là. C'est très indé. Ça découpe, enfin, ça occupe quoi. Donc, ce sera 17€ chez Réflexion Comics. Donc, j'espère que je sais pas si vous le verrez partout parce que c'est un petit éditeur. Faut voir, mais pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Ça peut être sympathique. Oui. Alors, après, ça va être trois trucs chez Urban. Ah, nos amis d'Urban. Franchement, ils font un bon boulot d'édition. Ils font un très bon boulot. Le premier, c'est Superman à du Kryptonite. Donc, c'est un récit complet par Denis O'Neill et dessiné par Neil Adams et Kurt Swan, entre autres, parce qu'il y a d'autres petits dessinateurs avec. Neil Adams, il me dit quelque chose. Ouais, c'est un dessinateur qui est très connu. Il a fait pas mal de trucs dans les années 80, 90, tout ça. Okay. Donc, le petit pitch, c'est Superman ne connaît qu'un seul point faible, la Kryptonite, mais une explosion atomique va changer la donne. Soudain, toute la Kryptonite de la Terre devient inoffensive. Rapidement, l'homme d'acier se rend compte que cet événement a aussi pour effet de créer un second Superman fait de sable et doué de raison. Donc c'est un récit complet, un run complet que vous pourrez retrouver chez Urban. C'est un truc qui est sorti dans les années 90. Ça a l'air sympathique. Ça me fait penser à Superman 4 avec, tu sais, l'homme atomique. Oui, non c'est un truc bien connu, je crois. J'espère c'est un que ça... run très, très, très connu. Donc. Non, mais je suis traumatisé par les mauvaises adaptations. D'accord. Donc ce sera pour retrouver chez tous vos libraires autour de 17,50. Et après ça va être deux trucs très sponsor, enfin très autour de Neil Gaiman, le grand scénariste et écrivain. Donc le premier c'est Violent Cases. C'est un roman graphique écrit par Neil Gaiman et dessiné par Dave McKinnon. Alors le pitch est: le narrateur se souvient qu'enfant, après l'altercation musclée avec son père, il fut conduit chez un ostéopathe. Ce dernier prétendait qu'il était le médecin personnel du plus célèbre gangster du 19e siècle, du 20e siècle, excusez-moi, Al Capone, dit Scarface. Entre l'Angleterre des années 60, le Chicago des années 20, la mémoire du jeune garçon oscille. Donc c'est un roman graphique, ça a l'air assez sympa, c'est assez spécial, comme j'ai jeté 2-3 coups d'œil au dessin, et c'est assez spécial, mais je jetterai peut-être un coup d'œil. Donc vous retrouvez ça pour 14€. L'auteur, c'est quand même intéressant. Ce qu'il fait, il me semble qu'il a fait des... C'est pas lui aussi qui a fait des épisodes de Doctor Who? Ouais, il a fait un épisode de Doctor Who. Non, il en a fait plusieurs. Il en a fait plusieurs, peut-être. Ouais. Je suis pas super fan de Doctor Who, je pourrais pas te dire. Et le deuxième 7. Truc encore du Neil Gaiman, c'est la préquelle de sa série magistrale et superbe connue, que j'ai pas eu encore le temps de lire, c'est Sandman. Donc Sandman tome 0, dessiné par John H. Williams III, qui contient les épisodes US de Sandman ouverture de 1-6. Donc ça va être c'est une espèce de préquelle à sa série Sandman, qui est très très très connue. Donc je pourrais pas plus vous en parler. C'est un univers très très onirique. Et je pense que Mathieu en saura plus que moi sur cet univers. D'ailleurs, quand on parle de Mathieu, on lui passe bonjour. Petit bonjour. Et sachez que vous allez retrouver bientôt sur le site web, donc sur www.comicsdiscovery.fr, pas mal de vieilles de critiques qu'il avait fait de l'univers Vertigo. Donc peut-être qu'il y aura du Sandman, je sais pas si j'ai vu dans la liste qu'il y avait du Sandman, je sais pas. Sûrement, ça doit y être, je pense. Donc, et en fait, il avait déjà fait plein de critiques à l'époque où il les a lues, et je vais les mettre sur le site, donc vous les retrouverez si vous voulez lire du Vertigo. On essaie de le remplir petit à petit. Donc allez faire un tour sur comicsdiscovery.fr. Donc alors le tome 0, je pense que c'est vraiment pour les gens qui sont fans de Sandman. Je pense pas que ça soit un bon truc pour débuter. Commençons par le tome 1 plutôt. Mais en tout cas, sachez que vous le retrouverez vendredi prochain pour 22,50. Merci James pour ce... Voilà. On va passer au premier morceau musical. Tu ne voulais pas finir avec une dernière news quand même. Il a été annoncé officiellement que Luke Cage avait droit à une saison 2 sur Netflix. Oui, j'ai oublié, je l'avais pas noté. C'était l'info du jour. L'info du jour. Donc voilà, merci Faye. Et on va commencer par la première pause musicale. Et c'est un petit kiff que je me fais. Et c'est un morceau de je crois que c'est en plus le morceau éponyme Redbone de Childish Gambino, du nouvel album de Childish Gambino, qui est un super artiste. Thank you. Et c'était Redbone de Childish Gambino. Donc pour les gens qui ne sauraient pas qui est Childish Gambino, c'est un mec très très geek puisque ça va être le prochain Lando Calrissian. Tout à fait. Sur Star Wars, donc il a été. Il est connu aussi pour la série Community. Ouais, c'est Donald Glover, donc qui est un acteur qui a en ce moment sa série qui s'appelle Atlanta. Oui, qui a été renouvelée pour une seconde saison. Ah, c'est cool ça. Faudrait que je la mate. Ça, c'est... j'ai regardé que 2-3 épisodes. Moi, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais on peut pas dire que c'est nul quoi. C'est juste qu'il faut rentrer dedans. En fait. Ouais. Donc moi je vous conseille vraiment son album, je l'ai écouté ce matin pour choisir la chanson et franchement c'est un très très chouette album qui sort d'un peu ce qu'on voit d'habitude parce qu'il était très rap avant. Là c'est plus de la funk un peu. Ça montre vraiment c'est un artiste éclectique et j'ai vraiment adoré cette chanson. Donc je vous le conseille si vous pouvez écouter. Il y a tous les titres sont dispo sur YouTube sur son channel officiel donc sur son Vevo. C'est cool d'avoir mis ça en avant. Enfin, mis ça pour les gens. Ça permet de se faire découvrir. Sur Internet, ouais. Mmh. Et pour après acheter l'album, bien acheter, sûr. Acheter. Donc voilà, on était sur ça et on va passer sur la review du jour. Une double review, comme je vous disais au début, puisque le DVD et le Blu-ray de Suicide Squad sont sortis cette semaine. Excusez-moi. Et tu veux que je m'en occupe parce que t'as l'air de souffrir. Ouais, je galère un peu. Vous l'entendez, je suis malade. Donc je vous le rappelle, vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier, parce que je ne l'ai pas dit au début. Mais, sur Radio Hôpital. Donc sur le 102.2 FM pour les Montpellierains et sur Comics Discovery ou même radiocampusmontpellier.fr pour les gens sur Internet ou en podcast. On est dispo partout, on est tellement dans la technologie 2.0. Et Faye, tu veux nous parler de quoi? Tu veux nous parler de Suicide Squad, du film, oui. De cette extended version. Ah là là les enfants, mais quelle aventure Suicide Squad. Comme vous le savez, rappelons un peu les faits, replantant le décor de pourquoi nous avons une version longue, ouais. À savoir donc Suicide Squad, un film qui a connu pas mal de problèmes de production, il a fallu faire des retournages de scènes pour ajouter de l'humour, il y a eu des problèmes de montage, le réalisateur David Ayer a un peu craché sur la soupe, ce qui fait que... Il a un peu craché, t'as pas entendu le dernier truc? Ah bon, il a un peu dit qu'il avait pas pu faire ce qu'il voulait, que c'était pas sa vision du film. C'est pas ce qu'il disait au début. Pas au début, mais maintenant il est foutu. Après il s'est mis à insulter Marvel, enfin bon, il y a pas de problème. Je pense que c'était un peu voilà, entre Will Smith aussi qui a eu soi-disant la grosse tête qui aurait demandé encore tu prends ça avec des petits elle le dit pas mais en fait elle fait les guillemets c'est avec ses doigts. C'est un tic. Donc en fait voilà, il aurait demandé à ce que il y ait des scènes qui soient plus tournées sur lui. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de rumeurs, beaucoup de problèmes et quand le film est sorti, beaucoup de films hollywoodiens en ce moment, il y a plein de rumeurs. Même sur Rogue One, il y a plein de rumeurs. J'ai l'impression que c'est la nouvelle mode, genre vas-y, on donne des rumeurs pour casser le film du concurrent. Enfin, c'est. Ouais. Voilà, bref, donc quand le film est sorti, il a marché effectivement au box-office. Oui, il a très bien. Mais il a eu un très mauvais retour de la part des critiques et un très mauvais retour de la part du des public. Fans. Donc voilà, si vous voulez, nous on avait fait une critique sur notre chaîne YouTube, vous pouvez regarder un peu pour la vie. Tiens, j'en parle pour les gens qui avaient écouté les vieux podcasts et qui voudraient aller réécouter les podcasts. Vous aviez fait une revue. Avant l'émission de radio, on avait fait un podcast de 3 ou 4 heures. Sur le j'ai changé le flux RSS donc vous la retrouverez plus sur le podcast, enfin le lien des podcasts normal, mais vous avez un autre qui s'appelle, vous retrouvez sur le site comicsdiscovery.fr les archives, vous retrouverez tout, notamment ce podcast là, je crois que c'était le 3e ou le 4e, je sais plus, où vous avez 2 heures de débat endiablé sur ce site quad. Après, pour retenir en gros ce qui avait été reproché au film, c'est un gros problème de montage, un problème de cohérence scénaristique, un problème de jeu d'acteur, un problème d'écriture aussi, mais c'est ce que je dis, de cohérence de scénaristique, ouais. Donc c'est ça, un problème de jeu d'acteur sur notamment un certain Joker, on va y revenir. Et toutes sortes de choses, et donc du coup une version longue avait été réclamée parce que par exemple sur le cas de Batman vs Superman qui avait été aussi un peu on va dire écourté au cinéma, enfin bref, la version longue avait changé beaucoup de choses, avait permis d'apporter de la profondeur au personnage. On m'a dit ce matin que l'extended version, ouais. Elle est plus courte que les versions de cinéma. De quoi? De Batman vs Superman? Non, l'autre, de Suicide Squad. De Suicide Squad, alors non, parce que normalement c'est censé avoir ajouté 10 minutes. Ah ouais. Donc la personne qui s'est dit ça, c'est un peu... On m'a dit des conneries. Et donc, on attendait une version longue en pensant que ça allait changer les choses. Et donc, cette version longue est là, on l'a vue, et on va pouvoir vous en faire la critique. Sans spoil. Alors, est-ce que tu veux que je commence à donner mon avis? Vas-y, donne-toi sur le ton, parce que tu n'avais pas donné... Ah si, tu l'as donné en vidéo, ton avis sur le film. Ouais, moi j'avais fait la vidéo, le coup d'œil. Alors, j'avais été assez gentil. C'est-à-dire que, bon, le film, il y a des gros défauts, on va en parler. Plus je le vois, le film, oui. Moins je l'aime. Mais en fait, le film, c'est si vous aimez les, si vous avez grandi dans les années 80-90, que vous aimez les films d'action où voilà, vous pouvez mettre un petit second degré, vous pouvez rigoler genre les Chuck Norris, ces trucs comme ça, vous allez vous divertir. Après, si vous voulez autre chose, vous allez vous faire chier, ça c'est sûr. Mais bon, il y avait quand même des bonnes scènes d'action, il y avait Harley Quinn qui était quand même assez sympathique, l'actrice la joue plutôt bien, vu ce qu'elle a à jouer, on va y revenir. Et puis bon, il y avait la grande, la magnifique Viola Davis, c'est rien que pour ça, j'aime ce film. Elle a un rôle de merde. Hein. C'est Amanda Waller. J'ai, rien contre. Elle fait j'ai rien contre Viola Davis. Mais quand elle est là, elle illumine le film. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais bon, quand même, il y avait. C'était quand même assez divertissant, sans non plus casser trois pattes à un canard, comme on dit. Effectivement, là, pour le goût. Voilà. Mais il y avait deux très très gros problèmes, donc on va y rentrer parce que justement, cette version longue, eh ben, elle rajoute encore des problèmes. Rien du tout. Elle rajoute de la connerie, excusez-moi de dire ça. Donc au niveau des scènes rajoutées, je peux juste vous faire un petit bilan, ça spoil pas des masses. On a une scène de vomi. Ça, je vous préviens pour les âmes sensibles, qui ne sert à rien. Oui, Killer Croc qui vomit. Excusez-moi. Ah oui, c'est vrai. Donc je vous préviens, vous êtes une âme sensible déjà. Killer Croc, voilà, vomit, voilà. Donc ne regardez pas cette scène. Vous avez des blagues pourries rajoutées qui étaient totalement inutiles. Et la seule scène que j'ai trouvée à peu près potable, bon, deux petites scènes, deux, trois scènes à peu près potables, c'est sur Harley Quinn. Donc où on a un petit éclairage un peu plus sur son passé avec le Joker, et une scène où on nous montre qu'Harley Quinn est bien sûr pas si coconne que ça. Il y a un peu plus de Will Smith aussi, non ? Et j'allais le rajouter. Et ces idiots, ils ont pas tenu compte de la plus grosse critique qui a été faite, c'est-à-dire trop de Will Smith. Trop de Will Smith, du Will Smith. Et donc ils ont rajouté du Will Smith. Alors vous allez me dire, mais quels sont ces points, ces pour points les noirs gens qui, les gens qui l'auraient pas vu, est-ce que tu peux donner un petit pitch, un petit résumé, un petit, enfin des choses qui, ouais, avant de partir sur ce qui nous a pas plu, un résumé des choses qui, mais dans l'ensemble même de l'extend, enfin, ouais, ouais, bah, en incluant l'extend de, ouais, voilà, pas grand chose, l'arnaque. Vas-y. Version, on va l'appeler. Vas-y, fais un donc petit en pitch. Gros, Suicide Squad, c'est notre ami Amanda Waller qui rêve avec une très très bonne idée de départ. C'est en gros, mais qu'est-ce qu'on fait si Superman, et ben en fait il est méchant, comment qu'est-ce qu'on fait? Et pour rappeler, c'est, voilà, après, ça se passe après Batman versus contexte, Superman. En fait, dans vous avez vu les films Marvel, où tous les films Marvel sont connectés. DC a voulu faire pareil, et en fait depuis Man of Steel, donc le film de Snyder, tous les films, ils ont lancé leur Warner, propre univers étendu, sont connectés. Donc DC et Man of Steel et Batman versus Superman normalement sont connectés, et Ils sont c'est connectés. C'est une suite, c'est en fait. À chaque fois, c'est une suite. Vous avez, enfin, Bah, ça suit comme les trucs Marvel. Il y a des BVS est une suite directe à Man of Steel, et Suicide Squad est censé être une suite. Une suite à plus Batman, ou moins direct. C'est à pas BVS. Vraiment suite, c'est juste que ça part du principe. Bon, je vais pas dire. Superman. Faut pas le dire. Oui, faut pas le dire. Donc, non, mais en gros, c'est ça. Ils prennent les événements de Batman vs Superman, et donc Amanda Waller se pose la question, mais comment on fait si le prochain méta-humain qui arrive, et ben en fait il est méchant. Et elle se dit, ben, j'ai la solution, il se trouve que j'ai une prison avec des petits gens pas très sympathiques, et ben tiens, je vais les utiliser, je vais les balancer, s'ils font des conneries, on les tue, on s'en fout, mais au moins ils nous protègent. Donc elle va voir ses supérieurs pour imposer son plan, on lui dit, ok ma fille, vas-y, lance ton truc, mais dès la première mission, et ben ça part en cacahuète, car un de ses sujets, l'enchanteresse, on en reparlera d'elle aussi, et eh ben elle déserte un peu, elle est méchante. Et vous retrouvez, voilà, un groupe de héros dont Deadshot, donc, qui est joué par Will Smith. Voilà, on a Captain Boomerang. Captain Boomerang qui est joué par, merde, j'ai oublié son nom. Jay Courtney. Harley Quinn joué Harley par Margot Robbie. Bon, Deadshot, pour ceux qui ne savent pas, c'est un méchant de Batman. Voilà, vous avez pu le voir dans Arrow. Des pouvoirs dans Arrow qui peut qui rate jamais sa cible. Oui, il rate jamais sa cible. Captain Boomerang, c'est un méchant de Flash, donc tout est dans le nom. Il lance des boomerangs. Harley Quinn, méchante emblématique de Batman. Vous retrouvez Killer Croc, donc encore Batman. Diablo. Alors lui, je le connaissais pas trop. Diablo, c'est, je sais pas de quel de quel méchant il est. On cherchera. Je crois que c'est un truc spécial, le Suicide Squad, parce que Suicide Squad est aussi un comics depuis des années. Ça est, enfin, Amanda Waller, c'est un personnage récurrent dans l'univers de DC, et en fait son idée, c'est de toujours ramener un groupe qu'elle prend en pour faire une Suicide Squad, et elle l'utilise comme pour faire des comme des kamikazes, ouais, voilà, c'est pas des, enfin, pour faire des missions un peu undercover. Mais c'est ce qu'elle ça. Fait pas trop dans le film. Le film, ils le sous-entendent au début, mais en fait, c'est pas du tout utilisé. Ouais, pas comme quoi. Ça du tout. Voilà. Bah, vu que c'est un peu le disons que Enchantress, elle fait pas ça de façon discrète. Et oui, dans et l'Enchantress, qui est une espèce de sorcière, mais je sais plus d'où, une méchante de qui est l'Enchantress. Je crois que c'est Flash aussi. C'est Flash ou Arrow, je sais plus. Non, pas Arrow, je crois. Ou Superman. C'est une méchante de Disney. Bon, en tout cas, donc ils doivent se battre contre l'enchantresse et bah ça part en cacahuète. Et donc ce qui va pas. Oui, parce que l'enchantresse à la base est dans l'escadron du suicide, mais au final, elle leur fait des problèmes du coup. Merci James de répéter ce que j'ai dit. Voilà, excuse-moi, je suis malade. Il faut soyez gentil avec les gens en convalescence. Alors bah, les gros problèmes déjà au niveau des personnages, ils sont pas assez développés. À savoir qu'on a surtout Harley Quinn et Deadshot qui sont trop développés et puis les autres ils font figuration. De 20% de même 30% de d'Harley Quinn et 10% alors, du reste. Voilà. Et alors le reste c'est genre ça tient une phrase ou un petit flashback ridicule. Donc ça déjà c'est un gros problème, on s'attache pas aux personnages. Je veux dire, à part Harley Quinn, parce qu'on aime Harley Quinn ou que l'actrice, elle est marrante, mais on s'attache pas au personnage. Et deuxième problème, c'est le développement du personnage de Will Smith. Il est censé être un méchant, mais à aucun moment dans le film, on croit qu'il est un méchant. C'est juste un père de famille qui fait ça pour sa fille. Il a le même background que le Deadshot dans les comics. Et même dans Arrow, il a un peu le même. Dans Arrow, c'était plus intéressant, tu vois, qu'il que dans le film. Une fille et qui fait ça pour pouvoir mettre de sous de côté pour. Mais il est pas méchant en fait. Il est pas vraiment méchant dans les films. Je trouve qu'il y a alors pas que dans l'ambivalence. Les comics, il est vraiment méchant. Voilà. Il tue vraiment des gens. Là, on a l'impression qu'il tue des gens. Non, là, il y a pas d'ambivalence. Il tue des méchants, quoi. Il tue des mafieux, c'est pas grave. Il est gentil quand même. Voilà, c'est ça. C'est genre, c'est style, je suis méchant, mais en fait, comme je tue des gens qui sont pourris. Je suis pas méchant. Alors que dans les comics, il y a quand même le côté que c'est un assassin. C'est pas un mec sympa. Ouais, là, non, mais là c'est super vraiment, atténué. C'est Will Smith qui fait du Will Smith et qui continue. Mais c'est ça, c'est toujours le même rôle. On a l'impression de voir genre le Will Smith qu'on pourrait voir dans Independence Day si oui, c'est la même faire chose. Un dessin. Donc au final, ça fonctionne pas. C'est censé être une équipe de méchants. Si les autres on y croit à peu près, Will Smith non. Moi, ce qui me pose vraiment problème, c'est la menace qui est pas. Justement, j'allais en parler. On a une menace qui est vraiment pas au niveau de l'équipe, qui est ridicule limite quoi. Parce que cette enchantresse déjà, elle est très très mal interprétée par comment s'appelle ce mannequin là au grand sourcil. Cara Delevingne. Cara Delevingne. À part bouger, gesticuler en étant à moitié nue, elle fait pas grand chose. Alors soi-disant, oui, elle veut tuer les humains. Bon, les robots ont déjà essayé, ils ont pas réussi. Mais là, c'est pas du tout intéressant. C'est pas travaillé. On sait pas pourquoi elle a envie de faire ça. Sa machine qui met des plombes qui est moche, ça lui a pété, on s'en fout, elle est là, elle gesticule, écoutez les enfants, voilà. Après qu'est-ce qu'on a dans les mauvais personnages, on a le Joker. Alors, le Joker déjà il sert à rien. Alors ils ont voulu il donner un aspect gangsta et un peu ce qui aurait pu être intéressant. Alors c'est un mélange entre Joe Star et Marilyn Manson au niveau du look. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Mais le fait de le mettre vraiment en côté réel et en côté vraiment gangster, ça pourrait être intéressant. Un peu en dehors du côté là, vilain. Mais là je trouve que ça fait pas réel. Là il est juste ridicule. C'est ridicule et puis Jared Leto. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je veux dire, là, on a eu des scènes en plus pour juger un peu plus ce qu'il a fait, mais je suis vraiment, vraiment déçue. Ça porte rien. Il a un rire de mémé toutes les 30 secondes. C'est pas l'image du Joker que j'en ai. Oui, moi non plus. Après, bon, chacun a ses préférences, mais c'est vrai que le Joker. Le Heath Ledger est tellement. Et puis, même dans sa relation avec Harley Quinn, on est habitué par exemple à voir l'excellente série de Bruce Timm, on ne dira Batman, jamais assez. Voilà, le Batman, justement, la relation entre les deux, on y croit, ce couple de fous, ils se maltraitent, ils s'aiment. Ça fonctionne, mais là dans le film c'est limite ridicule, vous verrez avec les flashbacks, je veux pas trop spoiler, mais ça ne fonctionne pas. Ensuite qu'est-ce qu'il y a qui va pas encore, mon petit James? Déjà c'est que cette version ça dure que 10 minutes, et puis le gros problème du montage sur Squad, on l'aura compris qu'on n'aime pas cette non mais cette juste film. Ce que je veux dire c'est que c'est de l'arnaque parce qu'ils ont rajouté 10 minutes et que c'est en fait une version remontée du film qu'il faut sortir, parce qu'il y a des scènes qui se répètent. Je pense qu'il faut oublier ce film. Ouais. Si vous avez envie d'oublier ce film et de passer à des vrais Suicide Squad, moi je vous conseille, parce que je l'ai plutôt bien apprécié, Sur les traces de Deadshot, donc qui suit Suicide Squad Most Wanted, Deadshot de 1 à 6, je crois. Il me semble, oui. Donc vous retrouverez Deadshot. Est-ce que tu as un petit pitch vite fait nous donner sur le. Sur ça, en gros, c'est Deadshot qui doit accomplir une mission pour Amanda Waller. Et en fait, au cours de cette mission, il apprend quelque chose, un petit détail par son passé. Qui est rattrapé par son passé et qui donc s'enfuit de la mission pour justement retourner vers son passé et essayer en quelque sorte de donner une conclusion à quelque chose qu'il a fait lorsqu'il était jeune et qui l'a conduit à devenir ce qu'il est maintenant. Quoi. C'est compliqué. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée pour. Parce que tu retrouves tous les personnages que tu as vus dans Suicide Squad. Je pense que c'est bien d'avoir vu le film quand même. Arrow, c'est nul, non. Oui, non, mais c'est pas terrible, mais je trouve que Arrow, le personnage, il était vachement mieux traité là. Et même, ils avaient commencé à essayer de poser le Suicide Squad et ça passait mieux que le film. Comme quoi, CW, des fois. Ouais, donc, c'est un bouquin de Brian, écrit par Brian Buccellato, qui est un mec que vous connaissez peut-être si vous avez lu Flash de les New 52, puisque c'était le comparse de Manapool sur les Flash, qui sont vraiment c'était cool. C'était vraiment cool. Flash, le dessinateur, c'est Victor Bogdanovic, et qui a travaillé sur Batman Arkham Knight. C'est ce que moi j'appellerais un peu le Sous-Capullo. On dirait vraiment du Sous-Capullo. Mais c'est ça en fait. Les dessins font très comics et tout. Ouais. Je veux dire, on n'est pas heurté, mais c'est sans plus. Ouais, quoi. Ça, il n'y a pas le. C'est pas très. C'est pas très dynamique et ouais, voilà. Il y a beaucoup de gros plans. Il y a beaucoup de gros plans pour essayer de dire regardez, ouais. Je rentre dans la tête du perso, mais ça fonctionne pas. L'histoire est très très classique, très cliché. Classé, cliché. Mais c'est sympathique, ça se lit vite. Moi, je l'ai lu ça en 20 minutes. Franchement. Mais tu vois, l'approche du perso de Deadshot est beaucoup plus intéressante que ce qu'on a dans le film. Deadshot et je trouve que au niveau de la chimie entre les persos, ça aurait plus fonctionné un personnage comme ça que le personnage du père de l'équipe qui est là, qui est trop gentil. Ouais. Donc lisez sous les traces de Deadshot si vous avez envie. Nous, on va. Et attendez une version remontée de Suicide Squad. Ou alors un autre achetez le d'occasion si vous le voulez vraiment. Ça vaut pas les 19 euros pour juste 10 minutes. C'est ce qu'on disait au début, c'est que Jet Courtney, donc qui jouait. Tout à fait, Captain qui joue Captain Boomerang. Qui a dit cette semaine pour lui, il y aurait. C'était très compromis qu'il y ait une suite. En tout cas, peut-être avec lui, enfin, je sais pas. Bah, il avait l'air de dire que c'était plus compromis qu'il y ait vraiment une suite du film. Hein. Ok, peut-être un film Harley Quinn, on ne sait pas. Bah, Harley Quinn, ils ont trouvé la scénariste, j'ai lu il y a pas longtemps. Ok, bon, on va passer à la deuxième pause musicale. Et c'est un titre du film Suicide Squad. C'est Standing in the Rain, et j'ai zappé le nom des artistes. Je vous les laisserai. C'est pas Imagine Dragon, tu m'as. Non, c'est un autre truc en fait. C'est un autre... Bon, bah voilà. D'ailleurs, la BO est pas bonne. Voilà, parenthèse. Ouais, non, ça dépend. Ce titre-là, il est sans fin. Non. Merci. Tu me gâches mon truc. Bon, allez, c'est pas grave. Envoie. Bonne écoute. Riviera dressed like a playboy, or you could catch me up in Riviera's Tuesday night, pillow fights with Dominican mothers. That's what happens when it's suede on the roof, swerving lane to lane in a coupe. Shit, if I crash it, probably just leave it as a token that your boy could have died right there, no joking. Eating well so my foot's swollen. Fucking man, I'm rolling, you rolling or not? The boat plane's waiting at the dock. I wonder if he'll let me fly it, but it's a long shot. The money eases everybody's mind. Put kids to school, new titties on wives. New tits for the mistress. Fucking new titties for everybody, it's Christmas. I saw you standing in the rain. I used MILFHunter.com to ease the pain. It was 92 degrees with rain. Right before the seasons changed. On trees just a little bit of leaves remain. My heart broke when this cock was in your throat. But fuck that, land a chopper on a boat. Heard you fuck Ryan Phillippe at One Oak. My man seen you both at the Sunoco. Kissing and touching. Lana said that this was your cousin. Shit, I should've known when you stole money. Bitch, called the cops and rolled on me. So good, I got old money. To lay on any motherfucking beach on the planet. It crushed linen color salmon. Re-examine my life and make sure I'm never dumb again. But first, slide your panties to the side, girl, I'm coming in. I saw you standing in the rain. We'll be right back. Et c'était Standing in the Rain, dont je suis toujours pas, j'ai pas regardé, je suis désolé. De Suicide Squad, tiré de Suicide Squad. Vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier sur le 102.2 FM. Voilà. Tout à fait, dans cette émission de folie, j'ai envie de dire. Exactement, vous êtes dans Comics Discovery. Nous sommes toujours autant malades. Ouais, on va décéder avant la fin de l'émission. On va décéder avant la fin. Exactement. Donc j'essaie de reprendre. Je sais pas pourquoi je veux prendre mes. Oui, on est dans les coups de cœur. Donc on va vous parler. D'une série qu'elle est bien à regarder. Une série qu'elle est bien et qu'il faut la regarder parce qu'elle est bien. Et qu'en plus elle est finie, donc maintenant vous pouvez mater tout d'un coup. Donc les 10 épisodes. D'ailleurs, je dirais de commencer par le film Westworld ou Mondo West en français avec Yul Brynner. Parce que d'après, si vous regardez bien certains petits détails dans la série, ça serait peut-être une suite de ce film là. Donc, ah. Pour ceux qui ont donc vu... pour les gens qui ne sauraient pas, on parle de Westworld, donc la nouvelle série d'HBO qui est faite par le frère de Christopher Nolan, oui, Jonathan Nolan, et produite par J.J. Abrams, me semble. Non, oui, je crois que J.J. Abrams est la production, c'est ça. Oui, tu veux que j'explique le pitch peut-être? Vas-y, fais-nous un petit pitch. Tout à fait. Alors Westworld se situe dans... Alors, on ne sait pas à quelle époque, mais en fait on se situe dans un parc dans un futur lointain. C'est la science-fiction. Voilà. Donc, on se situe dans un parc à thème sur le western, où en fait, on propose aux gens de venir dans ce parc qui est habité par des robots plus vrais que nature, qui sont des humains plus vrais que nature. On appelle des hôtes. Voilà, des hôtes. Et ils vous permettent de vivre l'aventure de votre vie. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez devenir hors la loi, un héros. Vous pouvez baiser. Vous pouvez boire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est en gros, lâchez-vous les gars. C'est vous open avez le droit bar, de quoi. Tirer sur tous les autres. Vous avez le droit de. Ah, tu peux les torturer. De niquer, c'est... de violer. Enfin, de tous c'est vos bas assez instincts ont le droit d'être là dans ce parc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va suivre différents personnages. Exactement. Et dans ce parc, il va y avoir un mystère, à savoir que certains hôtes commencent un peu à perdre les plombs, on peut le dire. Perdre comme les pédales. Les pédales, oui, c'est la fatigue. Ou peut-être avoir une conscience. Peut-être une conscience politique. Oh mon Dieu, ils vont être. Et il y a tout un. Enfin, il y a un casting vraiment. Alors il y a un casting excellent. Il y a Anthony Hopkins. On ne présente plus Hannibal Lecter, c'est lui. Il y a Ed Harris que vous avez pu voir. Non plus, qui est génial ici. Qui était très bon dans le. Non, Jason. Jason Pollock, qu'il a réalisé. Il a fait également des westerns. Il était dans le film avec Viggo Mortensen que j'avais bien aimé de David Cronenberg. History of Violence, violence, ouais, super accent. Et aussi dans The Rock. Voilà. Oui, bon, c'est un gars qui est spécialisé à faire non, les seconds rôles. Non, c'est lui. C'est un gars qui est spécialisé à faire des seconds rôles de méchants. Il était dans Truman Show également. Ouais. C'était le producteur de l'émission. C'est donc il y a Steve lui. Jobs. Voilà, on retrouve James Marsden, c'est ça, qui faisait Cyclope dans les vieux X-Men. Ah oui. Tout à fait. On retrouve la petite là, comment elle s'appelle, Rachel. Rachel Wood, voilà, c'est ça, ouais. Que vous avez pu voir dans True Blood notamment. Elle était aussi la copine de Marilyn Manson à un moment. Wow, putain, citation gossip. Non mais vraiment, on a un très très bon casting. Ouais. On a une histoire. Alors, en fait, l'histoire, c'est que outre le mystère de ce qui se passe, ça va être une série qui est très philosophique, qui va vous faire réfléchir sur la conscience, sur justement qu'est-ce qui fait qu'on a un homme. Est-ce que l'homme est vraiment un être violent par nature? Parce que finalement, on voit que dans ce parc, à chaque fois qu'il se lâche, ça finit sur des trucs horribles. Un des trucs qui vraiment je trouvais génial dans cette série, c'est que je retrouvais un peu de Lost dans cette série. C'est ça, et c'est ça. On en fait, du mystère. C'est le côté théorie. On balance plein de théories. Enfin, c'est pas vraiment. On balance plein de théories. La série nous balance d'indices. Plein de clés et plein d'indices vers lesquels aller. Et à chaque fin d'épisode, il dit putain, merde, ça va. En fait, ce qui est cool, moi, ce que j'aime, c'est que je retrouve ça aussi dans Murder, c'est qu'on a des théories, ouais, des choses qui se vérifient parce que le scénario a une cohérence et une logique. Et pourtant, la série, elle arrive à vous surprendre quand même avec d'autres éléments. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est très rare en ce moment au niveau des séries télé. C'est ce qu'avait la force de Lost, c'est une série qui te fait discuter en fait. Et ça, c'est ça. Ce qui est bien. C'est ça, ouais. Parce que moi, je sais qu'on regarde les épisodes ensemble et à chaque fois, on discute pendant une demi-heure de ah, mais en fait, il y a ça. Il y a ça, regarde, il y a ça. Ouais, et j'étais traumatisée d'ailleurs. Mais je tiens à le dire, à part du deuxième au troisième épisode, elle me dit, bon, je vais pas vous spoiler, hein, juste un truc. Elle m'a me dit il se passe ça, ah, ça, il ça, va ça. Se passer ça. Moi, je suis sûr que c'est ça. J'étais là, oh, mais non, c'est pas possible. Nanana. Bon, j'ai fait mon James habituel. Elle me dit, mais si. Et à force, à chaque fois, elle me dit, ah, mais regarde, ça retape ma théorie de ça. Et moi, j'ai toujours là, oh non, c'est pas ça. Et on a vu le final de la saison 1 hier. Et c'était ce qu'elle avait dit depuis le début. Donc il me déteste. Voilà, je la déteste. Elle avait. Ouais, mais j'avais pas. Elle m'a fait le même coup à Broadchurch. Elle me fait. J'en ai marre. À chaque fois que je regarde une série avec elle, elle trouve le truc avant et c'est super chiant. Donc... C'est parce que je fais beaucoup de théories. Voilà, exactement. Non, mais en tout cas, c'est une série que je conseille, qui est passée d'ailleurs en même temps sur OCS. Ouais. Donc 24 heures après la diffusion aux États-Unis. Je crois qu'elle a fait. Elle a fait même. Elle a battu Game of Thrones en termes d'audience. En termes d'audience. Et franchement, c'est. Non, mais la série, elle est vraiment très très bien écrite. Les persos sont très très bien travaillés. Les seuls trucs que je peux lui reprocher, c'est un rythme très long. Et puis toujours la connerie de HBO de mettre du cul gratuit qui sert à rien. Les trois derniers épisodes là, c'est monté en puissance. C'est monté en puissance. C'est ça, il y a eu les épisodes 4-5 qui étaient assez mous. Le plus gros défaut de la série, et je pense que c'est le plus gros. Pour toi ? Pour moi, c'est qu'il va falloir attendre 2018 pour avoir la suite. Alors, Ed Harris a dit qu'ils allaient commencer à tourner cet été et que donc la série sortira en 2018. Et donc, c'est un peu triste, on va falloir attendre très longtemps. Mm. Mais bon, je serais pas étonné qu'ils fassent des comics, qu'ils fassent des trucs autour pour nous faire patienter. Ah, peut-être, ouais, ça pourrait être cool. Parce que je trouve que c'est une série qui s'y prête. Ouais, qui s'y prête bien. Mm. Du coup, on va conclure avec une petite chanson, un espèce de teasing à l'épisode de la semaine prochaine. Je vous laisse deviner où je le dis, non ? Vas-y, dis-le, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer. Bah, vous savez que si vous êtes un peu geek, vous savez que la semaine prochaine, qu'est-ce qui sort la semaine prochaine ? Rogue One, donc on va faire une émission spéciale Star Wars. On va vous parler de Star Wars. Des comics Star Wars, de l'ancien univers, le nouvel univers. Enfin, vous parler de tout Star Wars pendant une heure, ça va être génial. Et sur la chaîne, il y aura des émissions sur la chaîne YouTube Amical du Geek. Vous tapez sur YouTube, vous trouverez. Il y aura des émissions spéciales. De toute façon, la seule chose que vous avez tapé, c'est Comics Discovery. Vous retrouverez tout, le Twitter, le Facebook, l'Instagram, vous retrouverez tout. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. On remercie beaucoup Arnaud à la technique. Merci de nous avoir aidé dans cette émission, c'était cool. Ouais. Merci James pour cette émission. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, même horaire, toujours sur Radio Campus Montpellier. En espérant plus être malade et avec Mathieu. Exactement, avec Mathieu et peut-être avec Thomas. Ce serait cool qu'il y ait Thomas. Ça serait bien, ouais, entre fans. Allez, à la semaine prochaine, bye. Bonne soirée. La seule étoile qui se fond dans la nuit, le bastion des bas-fonds du pays en action. L'énergie dégagée génère une telle attraction que vers lui se tournent enfin tous les regards pour s'apercevoir que l'espoir émerge du noir. Une partie de tout homme, la force manipule de rien. Il suffit pour que l'être bascule, que les yeux de l'aveugle s'ouvrent, qu'il contemple Mars de l'obscur côté. Le temple n'est pas peur, ouvre-moi ton cœur, viens vers l'empereur, sentir la chaleur de l'obscurité. Pour toi, il est l'heure de rejoindre l'armée des guerriers de l'ombre. Ne vois-tu pas ton côté clair qui succombe, c'est ta destinée. Pourquoi vouloir lui résister sans peine? Je ferai sauter les verrous de ta volonté. Sois l'autre dans la noire sur la plus pure de l'empereur et arbore les couleurs du côté obscur. Obscur, la force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard. Notre drapeau, sois sûr que sous les feux la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. La force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard. Notre drapeau, sois sûr. Sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. Nous devons tous deux unir nos efforts pour l'attirer vers le côté obscur de la force. L'empereur te révélera la vraie nature de la force. Je suis le fils de Jafar, le sale rejeton de Dark Vador, le grand cador du maniement, le mic j'adore. Adapter ma technique à la manière du caméléon, sans pitié pour mater la rébellion. Millénaire, salive empoisonnée, langue amère, un pilote V50 en tant que sabre laser. Quoi, ma conscience comme seule médaille. Je traque et je tripe sans remords tous les chevaliers de Jedi. La haine monte en toi, je le sais parfaitement. Je vois ta main droite gantée de noir. C'est sans espoir, la mutation s'amorce. Ta nature que tu obtures le côté obscur de la force. Viens vers moi, passe le pont de part en part. Rejoindre ma demeure dans la lune noire. Mars et l'Empire, je lance mes troupes à terre pour éradiquer ce nid de Jean-Claude Godin Skywalker. Petit présomptueux, ne vois-tu pas le nombre déployé? L'armée des ombres, tu seras éliminé. Au nom des forces mystiques qui habitent là dans mon cerveau, je ne donne pas cher de ta peau. Le souffle de la force est en moi. Le microphone crépite, crash des tas de flammes sur les poils. Fils de Dieu, tremble mais lutte avec ses armes. Renverse les créneaux qui lui semblent erronés. Brise les traîtres de la tête au péroné. Par la peur, l'ennemi reste sclérosé. Longue vie au règne de la nuit, d'une théorie qui renverse les croyances établies. Aide-moi. Idiote, il est trop tard, tu appartiens au sinistre sombre seigneur vêtu de noir. Casque sous